L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Quidam organise sa première conférence de la saison ce mardi 9 octobre et recevra Françoise Vergès à la faculté de lettres de Nancy. Pour nous en parler, Gaëlle, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collège décisionnel de l'association Quidam. Avant de parler précisément de cette conférence, pouvez-vous nous présenter l'association ? Alors, l'association Quidam a été fondée par des étudiants et des étudiantes l'année dernière. Elle veut renouveler la scène féministe intersectionnelle et militante à Nancy, notamment en faisant entendre les discours les moins légitimes. En fait, il s'agit de personnes qui sont intéressées par la notion de féminisme quand elle prend en compte toutes les discriminations. Au lieu de simplement s'intéresser aux problèmes du quotidien qui touchent toutes les femmes, on prend aussi en compte la situation des personnes transgenres, par exemple, la situation des personnes handicapées ou issues de l'immigration en France, qui ne rencontrent pas les mêmes problématiques. Ainsi, la première conférence de la saison universitaire est sur cette thématique de la nécessité d'un féminisme intersectionnel et vous recevez donc, pour l'occasion, Françoise Vergès. Notre premier événement aura lieu demain à 18h30 sur le campus Lettres à Nancy 42. Françoise Vergès est une politologue, une militante féministe et décoloniale avec laquelle on se questionnera sur la nécessité d'un féminisme qui embrasse pleinement la diversité. Exemple sur lequel on s'appuiera sera le ventre des femmes dans l'histoire. L'entrée est libre, l'entrée est accessible, le parking est gratuit et tout le monde est bienvenu. Une conférence ouverte à tous ce mardi 9 octobre à 18h30 à la faculté de lettres. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la saison ? L'année dernière déjà, on avait organisé des cafés-débats, mettait au centre des thèmes comme le voile et le féminisme, ce genre de choses qui sont assez polémiques en France en 2018. Et on va recommencer cette année. On fait régulièrement des sondages sur notre page Facebook pour déterminer quels seront les prochains thèmes à aborder. Et du coup, tout le monde est invité à jeter un petit coup d'œil pour se renseigner sur ce qu'on fait. Merci à Gaëlle. Vous retrouverez bien évidemment l'adresse de la page Facebook de l'association Quidam sur notre site www.fadjet.net, rubrique Actu à Nancy et ailleurs. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.